conférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Dites-moi, cher Bernard Lehu, la question que nous posions à nos éditeurs était: dans quel pays apparaît le virus qui fait régresser l'humanité dans le roman de Xavier Muller? Eh bien, il s'agit de l'Afrique du Sud. Voilà. Vous avez gagné Erectus en nous appelant au 3210, on a passé un bon moment, et il est largement temps de retrouver tout de suite notre camarade Julien Courbet. Je n'ai pas compris ce qu'on avait gagné, Yves. Le livre Erectus. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en mettre 3 tomes pour le studio d'en haut? Non, parce que nous les avons d'ores et déjà distribués. Ah, vous en aviez peut-être plus besoin que nous. Bon, écoutez, alors... Je ne savais pas, je suis désolé, j'ai peut-être vos allusions grivoises que je fais semblant d'ignorer. J'ai peut-être gaffé, je suis désolé. Bon, écoutez, on va enchaîner parce que là, ça doit vous mettre très à l'aise et mal à l'aise plutôt ce que je viens de dire. Merci en tout cas et bravo. Pas de bonne émission. Allez, eh ben, une équipe d'Erectus est là pour vous aider. Eh bien, nous allons démarrer avec l'émission qui nous sont envoyées par qui? Par Vincent. Vincent, c'était hier, c'est le gros cas de la semaine. Je vous appelle de Seine-Saint-Denis et j'ai emménagé dans un appartement en octobre dernier et je n'ai toujours pas de chauffage, comme une cinquantaine d'autres locataires dans mon immeuble. Et le comble, c'est que je paye le chauffage collectif dans mes charges tous les mois. Nous allons avancer, vous allez voir sur ce dossier, il s'est passé pas mal de choses hier dans l'après-midi. Il y aura un cas original, celui de Charles avec sa voiture. Un loueur de voiture m'a prélevé 850 euros. Il insinue que j'ai rendu le véhicule dégradé. Or, je l'ai rendu en parfait état. Une vidéo que j'ai faite sur le parking du loueur le démontre. Et puis bien sûr, Carole qui est triste à cause de son fils. Je vous appelle du Val d'Oise. Je suis triste car mon fils ne peut pas profiter de son cadeau de Noël 2017. Sa trottinette a pris feu dès sa première utilisation. Et depuis, on attend toujours que l'on nous envoie les pièces qui remplacent celles qui sont défectueuses. Un an qu'elle attend le service après-vente. Dès la première utilisation, la pauvre trottinette du petit qu'il avait eu pour Noël a pris feu. Pour régler tous ses problèmes, il y a Maître Fellonneau qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Il y a Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Double négociation. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là, Charlotte, Céline, JB, une réalisation de Xavier Kassovitch. C'est le 9h30-11h qui règle vos problèmes par la négociation, l'émission la plus écoutée de France, et je vous en remercie. Belle journée! Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment sur l'antenne d'RTL en faisant le 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Ou gratuit Facebook, la page, ça peut vous arriver. Gratuit aussi, vous cherchez, ça peut vous arriver sur le site RTL.fr. Un très gros dossier logement hier, Maître Fellonneau, sur lequel nous revenons aujourd'hui, car c'est un dossier très important. Il y a des gens, une moitié d'immeubles, qui n'ont pas de chauffage. Effectivement, et en plus, Julien, c'est un immeuble neuf qui a été livré cet été. Ce sont les premiers locataires. Il n'y a pas de chauffage pour les étages supérieurs. À peu près une cinquantaine de logements sont concernés et il fait presque 10 degrés maintenant dans l'appartement des gens. Alors, on rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans ce dossier. Tout démarre, nous l'avons dit hier, par la Caisse des dépôts et consignations qui s'aperçoit qu'ayant un peu de liquidité, ils allaient construire un immeuble. Ils vont donc contacter Vinci en leur disant « Pouvez-vous nous construire un immeuble ?» Vinci va construire l'immeuble, va donner la gestion de l'immeuble à CDC Habitat, qui lui-même est tributaire d'un syndic qui s'appelle Foncia. On a appelé tout le monde hier et on a fait chou blanc. Néanmoins, il s'est passé des choses. Hier, quand même, nous avons eu, il faut le dire, Vincent. Alors, Vincent, on va lui dire bonjour. Ça va, mon Vincent ? Ça va, et vous, Julien ? Eh bien, écoutez, pas mal. Donc, hier, on l'a eu. On n'a pas pu avoir CDC. Nous n'avons pas pu avoir Foncia. Mais du courrier est arrivé en début de soirée. Hervé, pouvez-vous nous dire qui vous a envoyé un courrier et la teneur de ce courrier sur RTL, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, c'est Arnaud Cursent, le directeur de l'établissement de CDC Habitat Île-de-France. Ce mail est arrivé à 20h. Et il est plutôt positif, donc j'ai proposé à M. Cursent d'intervenir ce matin en direct sur l'antenne d'RTL. Eh bien, je le remercie mille fois, M. Cursent, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Donc, nous sommes en direct. Vous avez bien compris, M. Cursent, que nous ne sommes pas là pour ennuyer CDC ou quelqu'un d'autre, simplement pour faire en sorte que ce monsieur qui paie son loyer dans un logement neuf ait du chauffage, car il n'en a pas. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même une autre famille qui a dû quitter l'immeuble parce qu'il y avait un bébé. Alors, que se passe-t-il, monsieur? Comment peut-on avancer s'il vous plaît, en vous remerciant une nouvelle fois? Bonjour. Bonjour. Comme vous l'a expliqué votre médiateur, nous sommes confrontés sur une résidence qui est effectivement neuve et qui a donc, dans sa première saison de chauffe, un problème de mise en route du dispositif de chauffage collectif. Ce sont les 5 derniers étages de la résidence qui sont concernés par la problématique, c'est-à-dire une trentaine de logements. Nous sommes dans une copropriété, c'est-à-dire que la gestion de la chaufferie est assurée par le syndic de copropriété et un chauffagiste qui a été choisi. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver la solution technique. Donc, ce que nous avons fait concrètement, parce que le plus important pour nous, c'est quand même que les gens n'aient pas froid. C'est ça la priorité absolue. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'avant-hier, nous avons pris contact avec tous les locataires concernés, je dis bien tous les locataires, et nous leur avons à tous proposé de leur fournir pour les 2 pièces un convecteur, pour les 3 pièces 2 convecteurs, c'est des convecteurs 2000 watts, c'est-à-dire des convecteurs puissants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un chauffage électrique en substitution du chauffage collectif qui, pour l'instant, ne fonctionne pas sur ces étages-là. Ça, c'est le premier point. C'est bien. Alors maintenant, qui est responsable et qui doit maintenant faire en sorte... Bon, je rappelle quand même qu'il paie, il me le confirme Vincent, 1246 euros par mois de chauffage. Est-ce qu'il est prévu de loyer, pardon. Et dont dedans, il est prévu, je crois, 40 euros de chauffage. Voilà. Est-ce qu'il est prévu pour eux une diminution du loyer? Car évidemment, on n'a pas ce que l'on appelle dans le droit la jouissance paisible de son appartement quand on n'a pas de chauffage. Oui, bien sûr. Financièrement parlant, alors le plus important, je vais arrêter d'abord de revenir, si vous voulez bien, sur la résolution du problème. Parce alors, que le sujet, c'est quand même que les gens échouent, et après, je vous donne la réponse financière, si vous voulez bien, dans l'ordre, parce que aujourd'hui même, nous revenons sur place, nous avons nos équipes avec le chauffagiste et le syndic et le promoteur qui a construit l'immeuble, parce que c'est un immeuble neuf, pour aller à la rencontre des locataires. On y est toute l'après-midi, et surtout... mettre en place les mesures qui vont permettre de remédier aux problèmes techniques, sachant qu'on a une petite idée sur le sujet, qu'on essaie d'avancer avec ce chauffagiste pour que ce soit réglé au plus vite. J'aimerais vous dire ce soir, mais j'en suis pas sûr, donc je suis pas le chauffagiste, mais en tout cas au plus vite. Donc ça, c'est pour l'aspect strictement technique, mais qui est le plus important, c'est-à-dire que les gens n'aient pas froid. D'accord. Le deuxième point, il est d'ordre financier. Évidemment, quand on n'a pas la jouissance paisible de son logement, comme vous dites fort justement, quand on paye un loyer et des charges, on s'attend à avoir un service, on s'attend à ne pas avoir froid l'hiver. Nous sommes évidemment totalement désolés de la situation, on compatit complètement avec la situation des locataires, qu'on n'a pas du tout abandonné, on a essayé de bouger tout le monde pour aller au plus vite, mais donc, financièrement parlant, évidemment, nous rembourserons aux locataires, c'est un minimum, les charges qu'ils payent à tort pour un chauffage qu'ils n'ont pas. Donc 40 euros à peu près par mois pour un T3 et 25 ou 27 euros par mois pour les 2 pièces. Et évidemment, pour ceux qui auront pris des convecteurs et qui donc auront une facture d'électricité qui aura été augmentée, évidemment, nous paierons, alors, nous rembourserons le surcoût. Ce que nous dit CDC aujourd'hui, vous avez entendu Vincent, donc vous allez avoir normalement dans les heures qui viennent des convecteurs. Deux, apparemment, le chauffagiste, le constructeur, tout le monde revient cette semaine. Ils pensent avoir identifié, même aujourd'hui, la panne, en tout cas... l'endroit qui fait qu'on ne peut pas avoir de chauffage, remboursement de la cotisation chauffage de 40 euros, plus remboursement de l'électricité payée en plus. Est-ce que ça vous convient, Vincent ? Ça me convient. Par contre, je trouve ça étrange de ne pas avoir une nouvelle plus tôt, sachant que ça fait déjà un mois que mes voisins et moi nous plaignons auprès du service de réclamation de CDC Habitat et qu'il faut attendre de passer sur une antenne nationale pour avoir une réponse claire. Bon, à ça, monsieur, si vous voulez répondre à ça, comment se fait-il qu'ils n'ont eu aucune nouvelle alors qu'ils vous appelaient en vous implorant d'avoir un peu de chauffage ? Alors, moi, je peux vous donner en tout cas les derniers éléments, c'est qu'avant-hier, c'est-à-dire avant le passage vos antennes, tous les locataires ont été contactés pour la mise à disposition des convecteurs. Vincent, vous avez été contacté pour ça, vous nous l'aviez dit, pour les convecteurs. J'ai été contacté, d'accord, absolument. Bon, allez, n'envenimons pas les choses, nous avons une vraie solution qui est proposée. Maître Fellonneau, un dernier point. Oui, alors moi, je comprends, je pensais que vous étiez l'unique propriétaire de cet immeuble. Non. Je vois que vous n'avez que 79 logements dans votre mail, vous nous indiquez, mais vous êtes quand même, je pense, suffisamment majoritaire pour avoir du poids, notamment sur le syndic. Parce que dans votre mail, vous dites nous demandons au syndic d'être à l'écoute de toutes les demandes pour trouver des solutions temporaires adaptées aux demandes. Eh bien, il y a zéro réponse quand on appelle. Alors, c'est très difficile d'avoir le contact. Non, mais on compte sur vous, puisque c'est quand même Foncia qui a la main mise sur cette histoire. On reste sur cette solution. Vincent, on s'appelle semaine prochaine. Vous me dites, on fait un point avec vous, d'accord ? Ça marche. Merci, merci Vincent. Merci monsieur. Merci beaucoup monsieur Arnaud Cursin, directeur de l'établissement de CDC, de nous avoir parlé aussi rapidement. Je vous souhaite une belle journée monsieur. Bonne journée à vous. Dans une seconde, Charlotte, merci. En restituant son véhicule de location, Charles a pris une vidéo par précaution pour prouver qu'il rendait la voiture en parfait état. Malgré cela, le loueur lui a prélevé 850 euros sur sa caution. Avec un coup de gueule de Bernard Sabat, avec une vidéo également que vous allez trouver sur Facebook, la page ça peut vous arriver, vidéo réalisée par l'auditeur lui-même. Le 9h30, 11h trouve des solutions à vos problèmes. Vous êtes sur RTL. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est fou, pendant le Black Friday chez Carrefour, il y a 25% d'économies sur toutes les télévisions, tous les ordinateurs et tous les téléphones mobiles. Résultat des courses, c'est ça un vrai Black Friday. Dès demain et jusqu'à dimanche, profitez du meilleur Black Friday dans vos hypermarchés Carrefour avec 25% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur toutes les télévisions de plus de 500 euros et tous les ordinateurs et téléphones mobiles de plus de 400 euros. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Hors produit du catalogue Black Friday, modalité magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, c'est... C'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyle, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est Black Friday chez Lidl. Et le jeu en vaut la chandelle ? Oh et comment ? En ce moment, les jeux de construction pour enfants sont à 6,99€ au lieu de 10,99€. 36% de réduction, moins de 7€ la boîte de Lego. Encore un jeu d'enfant pour eux. Hein. Ah bah oui, et pour les 5-14 ans, il y a du choix. Hein. Comme Créateur 3 en 1, City Chantier ou Super Héros. Ah, là, vous allez gâter les gosses avec ces Legos. Mais les gogos, c'est nous. Hein. On est mal. Hein. Ah bah, très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'instant d'Arty. Hey, salut! Comment ça va aujourd'hui? Oh bah super! Comme un Black Friday! Dès 17h, c'est le Black Friday dans les magasins d'Arty. Soyez les premiers à découvrir nos offres exclusives sur les plus grandes marques. Liste des magasins participants sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Qui démarre sur les chapeaux de roue car nous avons une solution pour le chauffage de Charles. Vous l'avez entendu, Laura. La semaine prochaine, nous le confirmerons sur RTL. Et dans quelques instants, vous verrez également cette histoire de trottinette et cette maman qui crie à l'aide pour son fils. Coldplay, Viva la Vida. Et oui, c'est toujours étonnant de présenter des titres comme ça. Alors imaginez que c'était Adamo, vous permettez, madame. Nous avons donc maintenant, s'il vous plaît, Charlotte, un deuxième cas traité. Il s'agit de Charles. Il aurait rendu son véhicule de location en parfait état. Pourtant, le loueur a retenu 850 euros sur sa caution. Il reproche à Charles la présence de deux POC sur la carrosserie. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est pourquoi le loueur ne lui a pris que 850. Il aurait pu le plumer de 2000. Donc nous allons l'appeler tout de suite pour lui expliquer que c'est petit joueur. Maître Fellona, avez-vous quelque chose à nous dire ? Qu'est-ce que c'est qu'un POC ? Oui, un POC, oui. Qu'est-ce que c'est un POC derrière sa barre ? C'est un tout petit trou qui est fait souvent par des grêlons, vous savez, ou bien parfois la chienlit des pigeons. La chienlit. Bon, la merde, si vous préférez, mais je ne sais pas le dire, Julien. La fiente. Il vaut mieux de temps en temps savoir se taire. Donc nous avons une vidéo qui est sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Nous avons surtout Charles qui est là. Charles, bonjour. Bonjour Julien. Charles, j'ai eu l'audace de penser que mes collaborateurs pourraient expliquer votre cas. Eh bien, je me suis trompé, je le reconnais humblement. Je vais donc vous laisser nous expliquer ce qui s'est passé, s'il vous plaît, avec une vidéo, je le rappelle, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. C'est à vous, Charles. Merci Julien. En fait, pour les vacances, j'ai loué une voiture cet été. Au moment de la restitution, je dois reprendre mon train avec ma famille pour retourner à la maison. Et le train est à 13h15. L'agence est fermée entre midi et deux. Donc en fait, c'est pour ça que je précise ça, parce que j'ai pas la possibilité de rendre la voiture et de faire moi-même l'examen avec le loueur. J'ouvre donc une parenthèse. On reviendra sur ce point-là, parce qu'encore une fois, comment fait-on pour savoir si l'on a rendu la voiture en bon état quand il n'y a personne pour vous accueillir, ce qui est de plus en plus fréquent. Je mets ça de côté, je vous laisse continuer Charles. Donc en fait, ils ont une procédure, ils m'indiquent qu'il y a une place de parking, il faut la rendre, donc ce que je fais, et puis en fermant la voiture, je me dis je vais quand même faire le tour de la voiture pour voir si tout est impeccable, etc. Donc je fais le tour de la voiture et j'en profite, je fais une vidéo. Je prends le train, tout se passe bien et je descends du train, là j'ai un gentil message qui me dit qu'ils ont bien récupéré la voiture, tout s'est bien passé et qu'il y a deux POC, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça s'est tellement bien passé que 15 jours plus tard, alors en fait, je l'appelle, je dis « Attends, je comprends pas, j'ai fait une vidéo, j'ai rien vu, est-ce que vous auriez des photos ?» Quelque chose que je suis un peu surpris. Ils me disent « Pas de problème, on vous envoie des photos. » Donc 15 jours plus tard, je reçois toujours pas de photos, je reçois un mail, ils me disent « Bah écoutez, on va pas vous envoyer de photos, et par contre, on a envoyé ça au service sinistre, et il vous enverra tout, votre facture, etc. » Et le jour même, en fait, ça en première, ils me prélèvent 850 euros. Alors là, tout de suite, j'envoie un recommandé. Je comprends pas, excusez-moi, je conteste. Ils me disent, mais vous inquiétez pas, vous devez être remboursé par votre carte de crédit. Ah oui, bon, c'est un peu cavalier comme procédé. Et à ce moment-là, j'ouvre un dossier auprès de l'assurance. Et l'assurance me dit, il n'y a pas de problème, montrez-moi qu'il y a un garagiste qui a visé la voiture et qui a bien remarqué les éléments. Et là, le loueur sans démonter m'a dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on ne fait pas les réparations. La voiture, ça n'empêche pas d'être louée. Donc, nous, on remet la voiture en circulation tout de suite et il n'y aura pas de réparation. Voilà, aujourd'hui, je conteste les faits parce que j'ai fait une vidéo. Moi, j'ai jamais dégradé cette voiture. De l'autre côté, même si j'avais malheureusement pas vu quelque chose, ce qui est faisable, ce qui est possible, de toute façon, je peux pas prouver auprès de l'assurance qu'il y a la matérialité des faits ou la réalité des faits. Ok. Eh bien, Charles, nous allons nous en occuper. Il y aura un premier coup de gueule de Bernard Sabat et vraiment la question de ce cas, parce que derrière chaque cas se cache une question de droit. C'est qui, dans ces cas-là, est responsable ? Vous ramenez votre voiture. Si personne n'est là pour vérifier qu'elle est en bon ou en mauvais état, c'est très facile de vous dire le lendemain, 3 jours après, 4 jours après, il y avait un coup. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi, dans ces cas-là, il ne photographie pas, effectivement, la rayure, le POC, pour le montrer à celui qui a déposé la voiture, alors que lui a pris le soin de faire une vidéo. Vous voyez que ce dossier, ils ne sont pas super bons, donc nous allons passer par vous d'abord, Bernard Sabat. Et dans un deuxième temps, nous allons téléphoner aux loueurs de voitures. Tous les problèmes sont là, mais toutes les solutions existent aussi. Des négociateurs, des journalistes sont à votre service. C'est le 9h30, 11h sur RTL. En vous souhaitant la plus belle des journées. Oh baby, à tout de suite. Et si on pensait au Roquefort ? Aujourd'hui, pour le déjeuner, c'est fromage et dessert. Une belle tranche de Roquefort, quelques grains de raisin, des noix, une demi-figue et encore du Roquefort. C'est simple, c'est vrai. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, évitez de grignoter. Oh, chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2 250 €, puis 60 loyers 120 euros. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Leclerc. Chérie, vendredi chez Leclerc, et vendredi seulement, 40% de tickets Leclerc sur les télés LG et Samsung. 40% sur des télés LG et Samsung, deux très grandes marques de télé. C'est ça, le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et vendredi 23 novembre, vous bénéficiez de 40% en tickets Leclerc sur une sélection de téléviseurs LG et Samsung. Offre non cumulable avec d'autres produits de la même gamme bénéficiant d'une autre réduction immédiate ou d'un ticket Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Voilà, joyeux Black Friday. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Il fait 5 degrés, c'est cool, je m'habille et je vais courir. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur les vêtements et les chaussures. C'est 30% de réduction et 100% d'activités sportives en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités magasins participants sur intermarché.com. Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là ! On en voit déjà un ! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque ! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets ! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions. Auchan ? Et la vie change. Dès demain, c'est le Black Friday chez Auchan et c'est la journée de Sophie qui change. Imagine des prix bas, Sophie. Ça y est ? Eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Loisirs, high-tech, électroménager, prêt-à-porter et même alimentaire. Tu veux que je te pince ? Alors fonce ! Vivez un Black Friday vraiment exceptionnel. Dès demain et jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan et Auchan.fr cassent les prix sur des centaines de produits. Alors foncez, le Black Friday, ça n'arrive qu'une fois par an. Auchan. Quantité limitée. Voir conditions et magasins ouverts dimanche sur Auchan.fr. Black Friday, vendredi noir. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le Black Friday, c'est tous les jours chez nous. Tous les jours, nous faisons en sorte d'essayer de vous faire gagner de l'argent. Et nous essayons d'en faire gagner à Charles. Alors, comment va-t-il gagner de l'argent, Charles ? En récupérant l'argent que lui prend le loueur de voiture, Charlotte. 850 € sur sa caution pour des POC. Lui se défend en disant qu'il a rendu la voiture en très bon état. Alors, Bernard Sabat, coup de gueule tout de suite sur ce... Parce qu'il y a un vrai problème, quand même. Les loueurs sont fantastiques. Hein. Ça permet, quand vous arrivez n'importe où, d'avoir une petite voiture, etc. Mais... malheureusement, il y a encore dans le fonctionnement de la location de voitures quelques petites zones qui mériteraient d'être améliorées. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Bernard, je vous écoute. Julien, je ne suis pas content pour Charles, pourquoi ? Parce qu'on est à Narbonne, on est le 2 août. Est-ce que ça vous paraît logique qu'une agence, évidemment, de location de voiture, en pleine saison, soit fermée entre midi et 14h ? Bernard, là, je vous arrête tout de suite, c'est même pas une question de 2 août, parce qu'il vous arrive la même chose le 24 février, quand vous ramenez une voiture, il faut faire un état des lieux. S'il n'y a personne en face, vous la remettez, vous n'avez aucune preuve, en tout cas l'agence n'aura aucune preuve que la voiture était abîmée ou pas, qu'on soit en août ou en février. Vous avez raison, mais si on est une boîte sérieuse et si on veut donner un bon service, il faut être présent pour les clients. Voilà, ça c'est Non, mais moi je vous parlais de votre mois d'août. Alors, ça, c'est vraiment n'importe quoi, il commence à me gonfler. Alors, oui, continuez. Le deuxième point qui est important, c'est que unilatéralement, Julien, on lui prend 850 €, on ne lui apporte pas la preuve, et on lui dit, monsieur, vous avez rendu votre véhicule. Et donc, il y a cette traçabilité-là, donc on va vous facturer. Un, on ne lui apporte pas de preuves, mais en plus, ce qui est désagréable, c'est qu'il leur dit, mais j'ai une vidéo, j'ai filmé, et ils ont bien écouté, notre auditeur a bien écouté nos conseils, Julien, on le dit régulièrement. Quand vous louez une voiture et que vous rendez les clés, vous faites le tour de la voiture, vous filmez, et à partir de là, vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc je pense que quand même c'est important que ce loueur prenne ses responsabilités. Merci pour ces lumières, et vous pouvez nous expliquer tout ça, car vous avez, je le rappelle, 34 ans d'expérience dans le tourisme. Revenons maintenant sur le point strictement juridique. Maître Filonneau, et là c'est très important pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est à moi, client, de démontrer que la voiture n'avait rien alors qu'il n'y avait personne pour m'accueillir, ou est-ce que c'est à l'agence de dire, nous vous amenons la preuve qu'il y avait un coût et que vous allez payer, sachant qu'il a demandé la photo des éraflures ou des fameux POC et qu'on ne lui donne pas. Alors, Lorsque vous restituez votre véhicule alors que les bureaux sont fermés, la restitution est faite aux risques et périls du locataire. C'est-à-dire qu'il est responsable de tout ce qui arrivera au véhicule, même garé sur un parking, tant que les clés n'auront pas été rendues en prise en main propre par le loueur. Cela dit, c'est pas parce que c'est à vos risques et périls qu'il faut effectivement à prendre pour argent comptant tout ce que vous dit le loueur. Et le loueur doit prouver la matérialité des dégâts, vous donner un devis, vous donner surtout une facture de réparation avant même de faire quoi que ce soit, de vous prélever notamment l'argent. Et en l'espèce, c'est rien. Le deuxième point qui est insupportable, c'est qu'on a le pouvoir de dire, sans même apporter de preuves, vous avez laissé une caution, puisqu'on est obligé de laisser une empreinte de carte bancaire quand on loue, sans même vous demander votre avis et vous envoyer la photo, on prend le prix de la réparation que l'on a estimé nous-mêmes, parce qu'on n'y a même pas envoyé exactement un devis. Exactement. Donc, et c'est là. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Et alors là, moi, je trouve que c'est absolument insensé. Et en plus, ils paralysent la procédure de remboursement de l'assurance, qui, elle, exige évidemment ces pièces-là. C'est normal. Allez, un dernier mot, Bernard, et nous lançons l'appel. Je vous rappelle quand même qu'on a conseillé à Charles d'appeler sa propre assurance pour éventuellement se faire rembourser. Ça veut dire, en plus, qu'on lui dit OK, on vous prend 850 euros, mais logiquement, avec votre assurance, vous allez être remboursé. Ça aussi, c'est très grave. Je pose une question, je ne sais pas si c'est vrai, que les choses soient bien claires, je n'en sais rien, mais je me pose la question, est-ce qu'un commercial peut être aussi intéressé, bon certes à la vente et à la location, sur les sinistres qui rapportent de l'argent? Peut-être avez-vous travaillé dans une agence et peut-être pouvez-vous nous donner un coup de fil en nous disant, c'est vrai que quand on arrive à faire passer comme ça des 800, des 900 pour une petite rayure et qu'il n'y a pas de contestation, on a une petite prime? Je n'en sais rien. C'est une question qui mérite juste d'être c'est posée. C'est une bonne question, Julien. Et que nous posions. Eh bien, l'appel va être lancé dans quelques instants. Céline, vous vous préparez? Oui, je suis prête. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Là, je crois que c'est très intéressant. J'aimerais bien savoir ce que va nous dire l'agence de location. Il n'envoie pas la photo, il décrète qu'elle était abîmée et personne n'a pu le vérifier. C'est RTL, le 9h30-11h. Monoprix. We wish you a merry Black Friday. We wish you a merry Black Friday. Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, toute la déco et sur une sélection de maquillage jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple, pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 euros, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250 euros carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. Commerçons autrement. Laurent Gérard, sans modération. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel. Et tu as une petite copine à l'école? Oui. C'est qui ta copine? C'est la maîtresse. Sans modération, le nouveau spectacle de Laurent Gérard en DVD et Blu-ray. C'est énorme. Avec RTL. Leclerc. Chérie, vendredi chez Leclerc et vendredi seulement, 40% de tickets Leclerc sur les télés LG et Samsung. 40%? Sur des télés LG et Samsung. Deux très grandes marques de télé. C'est ça, le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et vendredi 23 novembre, vous bénéficiez de 40% en tickets Leclerc sur une sélection de téléviseurs LG et Samsung. Offre non cumulable avec d'autres produits de la même gamme bénéficiant d'une autre réduction immédiate ou d'un ticket Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Voilà, joyeux Black Friday! Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, c'est Black Friday chez Kiabi. C'est le Black Friday chez Kiabi. Pendant 5 jours seulement, profitez de moins 30% sur l'ensemble de nos collections. Exactement, moins 30% sur des milliers d'articles, en magasin et sur kiabi.com. Le Black Friday par Kiabi, du 21 au 26 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Merci d'être avec nous. Deux cas ont été lancés. Un appel aux loueurs de voitures arrive juste après les infos, car il est grand temps de nous informer sur RTL. Il est 10h. RTL numéro 1 sur l'info avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. La première réaction ce matin sur RTL de la mère de Vincent Lambert. Cet homme tétraplégique de 42 ans, il ne va pas mieux dans un état végétatif irréversible au CHU de Reims et il n'est plus conscient, c'est ce que disent les experts mandatés par la justice. Mais son maintien en vie ne relève pas de l'acharnement thérapeutique. Selon ces mêmes experts, Vincent Lambert est au cœur d'une bataille juridique depuis l'accident de voiture dont il a été victime, c'était il y a 10 ans. Son épouse souhaite l'arrêt des soins, les parents dont la mère s'y opposent. Bon, on sait bien que Vincent est un grand handicapé, mais c'est pas une raison. Vincent n'est pas en obstination déraisonnable. Les experts l'ont dit et on le sait. Il n'est pas en fin de vie, Vincent. Il mange, il boit par sa sonde et point. Il n'est pas en obstination déraisonnable. Et on s'acharne depuis des années à vouloir le supprimer. Et ça, je n'accepterai pas, nous les parents, on n'acceptera pas qu'on programme sa mort. Certainement pas. On est dans une société vraiment, on n'accepte plus les handicapés, on n'accepte plus rien, on veut que tout marche, mais c'est ridicule. C'est ridicule et moi ça me chagrine beaucoup de voir qu'on soit arrivé à cette échéance, quoi. Enfin, mais on se battra, on va pas laisser faire, hein. Ça non. Voilà, document RTL recueilli par Luca Brio. Viviane, la mère de Vincent Lambert, a retrouvé sur le site internet rtl.fr. 3 morts cette nuit dans ce qui ressemble à des règlements de compte en Provence. 2 hommes sont morts par balle à Martigues. Les tireurs ont pris la fuite et un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué et 4 autres blessés à Toulon, à chaque fois sur fond de trafic de drogue. La France ne se résume pas aux gilets jaunes, c'est ce que dit ce matin François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Le mouvement de colère en est à son 6e jour. Aucun chiffre ce matin sur la mobilisation. Mais il reste des perturbations encore signalées, notamment sur l'A16, l'autoroute près du tunnel sous la Manche à Calais. Laurent Wauquiez, les Républicains, espère une parole forte d'Emmanuel Macron avant la manifestation prévue samedi à Paris. 18 migrants secourus cette nuit, ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune. Sains et saufs, ils ont été récupérés par un navire français et un autre britannique. On connaît la composition de l'équipe de France de rugby qui jouera samedi le 3e et dernier match de la tournée d'automne contre les Fidji. Ce sera au Stade de France. Seulement 2 changements dans le 15 de départ. Le pilier Rabah Slimani et l'arrière Benjamin Fall font leur retour. Le jeune pilier Demba Bamba fêtera sa première cape à seulement 20 ans et alors qu'il joue en 2e division. Les chevaux seront à l'hippodrome de Vincennes cet après-midi pour le quintet. Claude Piersanti vous propose de jouer le 15, le 8, le 18, le 16, le 7, le 13, le 10 et le 5. Je répète, 15, 8, 18, 16, 7, 13, 10 et 5. La dernière minute, c'est le 18. Et puis attention au brouillard qui persiste ce matin en région parisienne et dans l'Est notamment. Le ciel est couvert dans l'ensemble. Il fait entre 3 degrés à Strasbourg et 18 à Ajaccio. 10h et 3 minutes sur RTL. Vous êtes en compagnie de Julien Courbet. Je me suis aperçu de la méprise. Hier, je vous ai écouté, je suis souvent les pronostics du tiercé, etc. Mais en fait, c'est la météo que j'ai joué. C'est les températures. C'est pour ça que j'ai rien gagné. C'est d'abord le tiercé, après la météo. Ouais, faut écouter avec attention. 8 à Besançon, 10 à Strasbourg. Moi, j'ai joué ça et en fait, c'était Blue Moon le 4. Et enfin bon, maintenant, je le sais. Merci, à tout à l'heure, 11h, Quentin. Il s'est passé beaucoup de choses. Il va s'en passer dans une seconde. Une alerte vient d'arriver. Donc, on va déjà rappeler que l'on est sur un cas, avant de faire le point info, sur le cas du loueur de voiture, s'il vous plaît, Charlotte. Charles a loué une voiture pendant ses vacances à Narbonne. Il l'a rendue pendant les heures de fermeture de l'agence. Quelques heures plus tard, il reçoit un appel lui disant qu'il y a des dégradations sur la voiture. Ça lui coûte 850 euros. Alors, nous n'avons pas encore appelé le loueur de voiture car beaucoup de questions se posent. La première, pourquoi il n'y a personne pour réceptionner la voiture et faire le tour, l'état des lieux. C'est facile de dire après, elle était abîmée alors que l'auditeur lui-même a fait un film. Après, il a demandé une photo de la voiture abîmée. On ne lui envoie pas, mais pourtant, on lui prend 800 euros. Et puis, j'ai lancé comme ça la question, est-ce que, parce que c'est des grosses sommes, si on prend 800 par 6, 900 par là, en n'envoyant pas les photos des voitures abîmées, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut être finalement intéressé au chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut arriver? Je posais la question. Et vous avez reçu un coup de fil, Bernard Sabat. Oui, pendant les infos, je ne connais pas ce monsieur-là. Il s'appelle Jacques. Il souhaite parler à l'antenne. Il a un témoignage à vous donner, Julien. Alors, bonjour monsieur Jacques. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Monsieur Jacques, je veux être très clair. Nous sommes en direct. Je ne sais pas ce que vous allez nous dire, donc je vous le dis. Faites attention aussi, puisque je n'ai pas pu vérifier les propos que vous allez tenir. Je vous écoute. Bonjour, Monsieur Courbet. Bonjour. Monsieur Courbet, en voulant louer une voiture, en arrivant assez tard le soir, on me dit, allez chercher la voiture, elle se trouve là dans tel garage, et voici les clés, allez-y, vous pouvez partir. Je pars avec la voiture, mais j'ai tout d'un coup un soupçon. Et je vois que la voiture a été endommagée par un choc arrière que je n'avais pas vu au départ. Heureusement, j'ai pu revenir vers le garage et me faire changer la voiture, parce que je n'accepte pas cette voiture-là. Mais sinon, j'étais parti avec la voiture, avec un coup dedans, qui m'aurait bien entendu été facturé par la suite. D'accord, ok. Donc il faut vraiment vérifier dès le départ, c'est ce que vous nous dites. Oui, Bernard. Oui, parce que le soir, évidemment, quand vous louez votre voiture à 22h, on vous demande d'aller la chercher dans un garage sombre. Et évidemment, et ce monsieur-là a eu le réflexe, d'accord, en sortant avec l'éclairage de la nuit, évidemment, de vérifier. Et c'était une bonne idée. Ce qui est important, c'est que monsieur, vous, est-ce que vous avez eu un papier qu'il vous donne en général d'état des lieux, d'état de la voiture au départ ? Ah oui, bien entendu. Et est-ce que le coût était dessus ? Le loueur me dit au départ, ben là, aller chercher la voiture, et elle est impeccable. J'ai bien compris, mais monsieur, est-ce que sur l'état des lieux de la voiture, est-ce qu'il y avait ce coup à l'arrière ? De préciser. Non, on m'a tendu un formulaire vierge. Donc on lui a donné un formulaire avec une voiture en bon état, on l'a fait partir avec une voiture cassée qu'on aurait pu lui facturer. Bon, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, parce que je soupçonne fort que les loueurs ne font pas réparer les petits chocs et les font payer 10 fois aux 10 prochains clients. Alors ça, c'est une supposition. Alors ça, on met ça, bien sûr. C'est même plus le conditionnel. Là, il a des feux d'artifice partout, le conditionnel. Il y a une fanfare, etc. pour l'accueillir. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse nous dire, j'ai travaillé là-bas, effectivement, il peut y avoir des petites primes là-dessus. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelé. C'est cette interaction qui fait aussi la richesse de l'émission. Mais dans une seconde, il nous faut lancer l'appel aux loueurs. Vous êtes sur le coup, Bernard. Oui. Vous êtes sur le coup, Hervé. Ça va se passer sur RTL. On attaquera un troisième cas, Charlotte. Le fils de Carole a eu une trottinette pour Noël. Malheureusement, il n'a jamais pu l'utiliser puisque très rapidement, la trottinette a pris feu. Ben la batterie a fondu. La mère, elle était à la fenêtre. Dis donc, Robert, regarde ton fils qui fait la torche vivante. À quoi il joue ? Ben oui, il était en train de... Ah non, qu'elle attend les pièces détachées. À tout de suite. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bonne matinée en compagnie d'RTL. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts ? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux ? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride. Et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Et si vous profitiez encore plus du Black Friday avec Orange ? Moi, avec Orange, pendant le Black Friday, je vais m'offrir un smartphone et une montre connectée. Et moi, avec Orange, pendant le Black Friday, le casque de mes rêves, le AKG Y50, est à moitié prix. Eh ben, ils font pas les choses à moitié chez Orange. Bah si, à moitié prix. Dès demain pour le Black Friday, jusqu'à moins 50% de remise pour profiter d'une sélection de smartphones, accessoires et objets connectés. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 26 novembre. Détails en boutique Orange et sur orange.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et c'est parti, on appelle donc pour le loueur de voiture, Charlotte. En deux mots, on en parle beaucoup, mais maintenant il faut vraiment appeler parce qu'il a envie d'en savoir plus, notre auditeur. Charles a loué une voiture pendant ses vacances, il est persuadé de l'avoir rendue en parfait état. Pourtant, l'agence de location a retenu 850 euros sur sa caution. Pardon, veuillez patienter, merci. Je vous en prie, ah mince, ça ne m'arrange pas, mais je vous en prie quand même. Nous allons donc avoir Rent Car avec ce guitariste qui nous fait patienter. Herbert Tronchard et sa guitare magique. Sur la route de la location, il y aura les coups et les rires, mais il y aura surtout ta caution qui te fera l'effet d'une biture. Faudra faire gaffe aux grêlons qui vont te niquer ta voiture. Et on prendra... Je peux pas chanter pendant deux heures, les enfants. Moi, je veux bien... Il faut que vous m'aidiez, les commerçants. Je veux bien meubler un peu, mais je ne peux pas non plus faire un album entier. Donc, vous récupérez l'appel, s'il vous plaît. Je veux le... Ça voudra dire que la dame de Rent a Car a répondu et nous la prendrons systématiquement et immédiatement sur l'antenne d'RTL. Le temps pour nous d'écouter, ça va décrocher, mais j'espère que ça va speeder comme Zazie que l'on retrouve sur RTL. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. C'est Speed sur RTL, il est 10h13, nous sommes toujours sur cette histoire de location de voiture. Il dépose sa voiture, il n'y a personne pour l'accueillir et on lui reçoit, il reçoit un coup de fil après. Oui, il y a des petits coups sur la voiture, ça va vous coûter 800 euros. Lui, il l'avait filmé en partant, il n'a pas vu de coup. Bernard, vous êtes avec quelqu'un en ligne ? Je suis avec la responsable du point de vente, évidemment, de l'agence en question, en l'occurrence à Narbonne. Et elle vient de raccrocher Julien, parce que je vous ai annoncé, et alors qu'on venait discuter calmement, posément, et qu'elle avait été très transparente. Alors, nous allons la rappeler, s'il vous plaît, maintenant. Céline, que vous a-t-elle dit dans les grandes lignes, le temps que ça sonne ? Dans les grandes lignes, elle m'a dit, écoutez, nous on a fait le job, on a fait les photos, on a transmis ça au siège franchisé, qui est donc à Perpignan. D'accord. Le dossier est auprès de notre directeur, et elle m'a donné le numéro, par contre. On va lui donner la possibilité de s'exprimer sur l'antenne d'RTL. Nous appelons Rent-Car Narbonne Gare, 50 boulevard Frédéric Mistral à Narbonne, et puis nous allons nous préparer tout de suite à appeler le siège, s'il vous plaît. Là, le gérant est monsieur Proinquin, mais c'est une dame, vous m'avez dit, qui était en ligne. Oui, c'est pas la gérante. Elle, c'est pas la gérante, c'est d'accord. La responsable du point de vente, et d'accord. Le siège est à Perpignan. Donc là, vous allez voir que malheureusement, et à cause de moi, et je vous présente mes excuses à tous, personne ne pourra louer une voiture chez Rent-Car Narbonne pendant une petite heure, puisque si vous passez devant l'agence, vous en trouverez un sous l'armoire, l'autre qui a réussi à rentrer dans son sac à dos et qui l'a fermé. Et donc, voilà. Quand vous appelez Rent-Car Narbonne... Tiens, allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour Rent-Car Narbonne. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je peux dialoguer avec vous, s'il vous plaît ? Voilà. Rent a car. Quel est le... Recherchez-moi le slogan de Rent a car, s'il vous plaît, sur Internet. Ça doit être un truc du style le meilleur pour vous, vous tenir par la main, quelque chose comme ça. Et surtout, nous vous raccrochons à The Noise. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de slogans américains, vous l'avez vu, oui. Maître Felonneau. Alors, nous allons appeler le siège, c'est parti. Nous appelons, et s'il le faut... Oui. Alors, elle m'a donné quand même un numéro de téléphone qui est le patron de la franchise à Perpignan. Ouais. On a le numéro direct, on peut le faire maintenant, si vous voulez. Avec plaisir, c'est parti. Quel vous dommage que monsieur François Poensa. C'est fou que l'on ne soit pas capable de prendre le téléphone et de simplement dire voilà monsieur ce que j'ai fait, j'ai suivi les procédures, etc. Et qu'on raccroche au nez aux gens. C'est un peu désagréable, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du quotidien de l'émission. Croyez-moi, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Maintenant, si cette dame veut nous rappeler de Rent-a-Car Narbonne. Oui, merci. Alors, encore ne quittez pas. Non, je ne rechante pas. Ça suffit. Là, j'ai fait. Ce n'est pas la même chanson en plus. Je n'ai rien préparé sur celle-là. Hein. Non, on a l'impression que c'est un peu une musique de Koh-Lanta. Vous savez ? Bonjour. Oui, bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère ne pas vous déranger. Je vous explique le but de mon appel, madame. J'ai Charles Attias, qui est un de vos clients. Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas qu'elle a raccroché. Non, c'est pas la même. Donc, chez Rent-a-Car, on appelle à Narbonne, on vous raccroche au nez. On appelle un service client, on vous raccroche au nez, pour la même marque, avec deux appels qui se suivent, je crois que c'est une grande première. Oh oui, je suis même très en colère, Julien. Bon, effectivement, là, du coup, les problèmes se règlent automatiquement pour eux, parce qu'ils ne prennent personne en ligne. Bon, bah, alors, appelez le siège, j'espère que Marc Boré, le grand patron, vous le connaissez ou pas du tout? Non, personnellement, non, mais il va m'entendre avec plaisir. Alors, mais j'espère que monsieur Marc Boré est conscient que c'est une drôle de façon de traiter les clients et de régler les problèmes. Monsieur Marc Boré, si vous le connaissez, merci de le prévenir. On va essayer d'appeler le siège. J'ose espérer qu'au siège, on ne va pas nous raccrocher au nez. Pour l'instant, on en est à deux raccrochages. Ça serait un record, hein, trois d'affilée. Donc, nous marquons là une petite pause. Ça sonne au siège ? Eh bien, écoutez, ça peut sonner. Ou alors, on fait la pause. Non, on y va. On fait au moins sonner pour voir si on nous raccroche. J'ai besoin, je ne pourrais pas dormir sinon. J'ai besoin de savoir si je vais réussir le 2 plus 1, c'est-à-dire le jamais 203. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Je rappelle que quand vous allez sur le site de Rent-a-Car, il y a marqué la satisfaction de nos clients et notre meilleure référence. Nos avis clients sont collectés aucun et vérifiés. Aucun message ne sera enregistré. C'est oui. Le siège. Bah, tant mieux. Non, mais ça veut dire que là, on n'est pas... Bah. Bon, non, ça a raccroché, c'était le répondeur. Mesdames et messieurs, pouvez-vous me mettre la musique de Breaking News? Parce que là, personne ne le savait et je crois que l'on a un scoop extraordinaire. J'appelle toutes les radios, j'appelle toutes les télés à reprendre maintenant cette information. Il est 10h18 sur RTL et nous l'apprenons à l'instant. Rent-a-Car est rayé de la carte. Il n'y a plus rien. À Narbonne, au siège, il n'y a plus personne. Les recherches viennent d'être lancées. Dans quelques instants, nous saurons s'ils ont complètement disparu ou pas. A tout de suite sur RTL. RTL. C'est le Black Friday. Faites de bonnes affaires. Monoprix. We wish you a merry Black Friday. We wish you a merry Black Friday. Et tout plein de promos. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnelles. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, tout le cachemire et toute la déco jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Frédéric Lenoir vous parle de son nouveau livre « Méditer à cœur ouvert ». Il est plus que jamais essentiel de prendre le temps de respirer, de retrouver une qualité de présence à soi, aux autres et au monde. Avec ce livre accompagné d'un CD, je vous invite au voyage intérieur par la méditation, à méditer à cœur ouvert, simplement, que vous soyez débutant ou confirmé, pour retrouver le goût de la bienveillance, de la confiance, du pardon et de la gratitude. Méditer à cœur ouvert de Frédéric Lenoir, un livre Niel Édition. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connect ADCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2 250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah, bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Demain et après-demain, ils nous font un kilo de banane à 99 centimes. 99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? À deux balles? Ah non, 99 centimes le kilo, patron. Oh, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou anti-française. Vendu en vrac. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 € si accordiac. Voir détails sur Renault.fr. Dis donc, tu savais, toi, que la clémentine de Corse était la seule produite en France? Of course! Cultivée de manière traditionnelle? Of course! Et cueillie à maturité? Of course! Clémentine de Corse? Of course! Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la Collectivité Territoriale de Corse. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et encore un rebondissement dans cette affaire de loueur de voitures. Une société de location de voitures a gardé 850 euros sur la caution de Charles pour deux POC sur la carrosserie. Je rappelle que Charles a fait une vidéo quand il a laissé la voiture. Il aurait bien aimé que quelqu'un de Rent-A-Car vienne constater qu'elle était en bon état, mais il n'y avait personne. Donc il est rentré chez lui et là il a reçu un coup de fil. Elle est abîmée, votre voiture. On va vous prendre 800 euros. Il a dit envoyez-moi la photo. Il ne l'a jamais reçue. Nous avons appelé Narbonne Car, Rent-A-Car, où l'on nous a raccroché au nez. Nous avons appelé un numéro de client qui nous avait d'abord été donné par Narbonne Car avant de nous raccrocher au nez. On nous a raccroché au nez. Nous avons appelé le siège de Rent-A-Car, où là, il y a un répondeur qui tout d'un coup s'est mis à raccrocher. Parallèlement, je me posais des questions sur cet argent que génèrent ces petites rayures, etc., puisque la voiture est remise à la location. Donc on vous prend 800 euros... Mais la voiture, elle est relouée sans être réparée. Donc imaginez, comme l'a dit un précédent auditeur qu'il fasse ça 10 fois, ça fait 8000 euros à l'arrivée. Un nouveau témoignage, Hervé Pouchol, expliquez-nous. Oui, qui vient juste d'arriver, c'est Mathieu qui est un ancien commercial, donc il ne travaille plus dans une agence, mais son témoignage est intéressant, il recevait des consignes fortes, il va vous expliquer. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très très bien. Alors, on est en direct sur RTL, je vais vous demander d'être vraiment très précis dans ce que vous dites et de l'assumer puisque je n'ai pas pu vérifier vos propos. Qu'avez-vous à nous dire ce matin ? Alors, on avait des consignes. Alors, j'ai travaillé durant quelques années dans les agences de location de voitures. J'en ai fait plusieurs, en l'occurrence. Alors, les consignes sont plus ou moins semblables dans toutes. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, selon le véhicule, selon l'état dans le kilométrage et même l'état du véhicule, on nous demande finalement, au premier état des lieux, lorsque le véhicule part pour le client, de pas forcément s'atteler à tous les défauts et surtout laisser faire le client en lui disant « Allez-y, dites-moi ce que vous voyez ». Et s'il s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il ne voit pas, on sait très bien que au retour, c'est des choses sur lesquelles on s'appuiera pour lui facturer facilement. Très bien, ben c'est très intéressant. Charmant. Et il y a dans Charmant. Les conditions générales quelque chose qui vous gêne, Maître Felonneau, vous venez de me l'expliquer. Ben, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si ça a été signé, il faut pour que ce soit opposable au client que ça a été signé par lui. Dans l'agence, il y a une sorte de tableau qui donne des réparations forfaitaires. Les petits impacts, c'est 400 euros, etc. Et c'est ce qui a été débité, en fait, à notre sur la carte bancaire de notre ami. Et on lui dit, on vous fait cadeau des frais d'immobilisation, comme si on avait été empêché de relouer le véhicule. Et l'agence a répondu à Vincent en disant « Oui, voilà, pour les petits impacts, ça a été chiffré par un expert, donc on ne vous gruge pas, c'est ce que ça vaut. Maintenant, on ne fait pas les réparations parce que ça n'empêche pas le véhicule de rouler et ça nous permet ensuite, nous, effectivement, de vous dispenser des frais d'immobilisation. » Ça veut dire effectivement que là, 850 euros ont été débités pour deux POC et qu'effectivement, ces POC ils vont être redébités je ne sais pas combien de fois jusqu'à ce que finalement que ça revienne finalement prix de la voiture. Là, c'est une Fiat Tipo. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir parlé ce matin sur l'antenne d'RTL. Je vous souhaite une belle journée, Mathieu. Merci à vous. C'était très intéressant. Bernard, rapidement. Alors, donc, j'ai rappelé le siège, vous savez, régional, qui est donc le franchisé, le patron, M. François Poensa, qui n'est pas là. On ne souhaite pas le faire parler à l'antenne et on ne souhaite pas lui communiquer nos éléments. Mais j'ai quand même parlé avec une charmante demoiselle qui connaît parfaitement le dossier et qui dit que c'est tout à fait normal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le job. Il est clair, net et transparent. Et comme il a une carte premier, donc c'est normal que son assurance le rembourse et que eux le pénalisent. Voilà, leur position. Alors attendez, pourquoi il va être remboursé ? Non, non, justement, la compagnie d'assurance est un rachat de franchise. Vous savez, on essaye toujours de vous fourguer des assurances complémentaires en vous disant, s'il y a un accident, il y a une franchise de 800 euros. Mais si vous ne voulez pas supporter cette franchise, prenez donc notre assurance complémentaire. En revanche, quand on a des cartes bancaires, premium, gold ou je ne sais pas quelle est la couleur, souvent, votre contrat, votre assurance de carte bancaire vous permet de vous rembourser. Ce qu'il a fait, il a proposé, et son assurance lui dit, moi, sans facture, je ne paierai pas. Et on n'arrive pas à avoir cette certaine facture. Mais si ça passe, c'est réparé. Rent-A-Car ne donne pas la photo des coûts et pourtant il les a réclamés. Oui. Rent-A-Car refuse de les donner. Excusez-moi, mais ça sent pas très bon. Deuxième cas, Rent-A-Car refuse de donner la facture. Donc ça sent pas très bon. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons interpeller, parce que je crois qu'il faut absolument qu'avec tout ce qu'on a dit, que Rent-A-Car puisse prendre la parole sur l'antenne d'RTL, parce que là, comme ça, j'ai pas forcément envie, en écoutant ça, de me précipiter quand je vais aller à l'aéroport vers le stand Rent-A-Car. Donc j'aimerais vraiment que Monsieur Marc Bourré nous rassure là-dessus. Mais s'il ne se passe rien, c'est demandezjustice.com qui va entrer en piste et qui va, et ça ne coûtera rien à Charles, assigner Rent-A-Car. On vous dira ce qui s'est passé et le résultat de ce procès sur l'antenne d'RTL qui, à mon avis, pourrait faire jurisprudence. Il y a dû en avoir d'autres. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Céline ? Eh bien, je suis en ligne avec le siège de Rent-A-Car, si vous souhaitez parler à quelqu'un. Alors, je vais juste les prendre en ligne. Allô, bonjour, Rent-A-Car ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes sur l'antenne de la radio RTL et j'ai besoin de parler à quelqu'un de la direction. Je vais vous passer quelqu'un parce que comme je suis à l'antenne, je dois envoyer une petite pause qui va vous expliquer très précisément le but de notre appel. Si vous pouviez nous trouver un interlocuteur parce que depuis une demi-heure là, on parle de Rent-A-Car sur l'antenne d'RTL. Allez-y Bernard, récupérez, allez, dans une seconde, nous aurons peut-être la direction et surtout nous allons parler de cet enfant qui attend sa trottinette. Puisque dès la première utilisation, la batterie a fondu, Carole attend depuis un an la livraison des pièces. RTL se bouge pour vous chaque matin. Le 9h30-11h sera toujours là pour vous aider. Et c'est bien sûr sur RTL. Tu te rends compte ? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, c'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyle, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Soch ! Chérie, t'as commandé ta tenue de travail Wurt Maudit ? Je l'ai déjà reçue et en plus j'ai fait des économies, regarde ! Waouh, stylé ! Et les chaussures de sécu ? Oh zut, j'ai oublié de les prendre. Dépêche-toi, la Black Friday Week c'est seulement jusqu'à lundi sur modif.fr. Conditions sur modyf.fr. Auchan ? Et la vie change. Et pendant le Black Friday, c'est le style d'Audrey qui change. Avec le blouson en cuir de marque Inextenso à 59,99€. 59,99€. Audrey, inutile de demander à ton miroir qui est la plus belle. Tu sais que c'est toi. Dès demain et jusqu'à dimanche pour le Black Friday, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le blouson femme 100% cuir d'agneau Inextenso à 59,99€. Et votre style change ? Auchan. Voir conditions et magasins ouverts dimanche sur Auchan.fr. Black Friday, vendredi noir. France 2, l'émission politique présentée par Léa Salamé. Il ne s'est pas exprimé depuis son départ fracassant du gouvernement il y a 3 mois, mais il a encore des choses à dire. Face à l'urgence climatique et à quelques jours de la COP24, Nicolas Hulot est l'invité exceptionnel de l'émission politique. Ce soir à 21h, en direct sur France 2. Chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55€, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40€, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50€ si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. 11h, 12h30. 9h30. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Non mais on peut pas enregistrer là, il y a trop de bruit. Ne vous inquiétez pas, c'est juste Mireille Mathieu qui vocalise. Elle a dû ouvrir la fenêtre, vous savez, elle nous fait un immense plaisir, elle sera dans À la bonne heure. Et À la bonne heure sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, l'histoire de la trottinette dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Mais là, juste avant, pour nous donner la pêche, voici le tube des tubes. 1984, wham! Wake me up before you go. Vous avez choisi RTL. RTL bouge comme chaque matin, à tout de suite. Avec Wake Me Up Before You Go Go. Et je vous donne rendez-vous, moi, le 1er décembre pour une soirée qui va bouger comme ce titre de Wham, puisque je présenterai mon one-man show au Casino d'Anguin. Et croyez-moi, nous allons mettre le feu. Ça, c'est le 1er décembre. On sera le 12 janvier au Casino de Bordeaux et le lendemain à Tarbes. Mais là, nouveau dossier qui démarre. J'accueille sur l'antenne d'RTL Carole. Carole, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. La chanson préférée de Carole, c'est J'attendrai de Dalida, parce que ça fait 10 jours qu'elle attend pour passer, et malheureusement, là, elle va attendre 5 minutes de plus, Carole, car il y a une alerte. Que se passe-t-il, Bernard ? C'est le cas de Charles et le problème de la voiture. Charles a loué une voiture, il l'a rendue, il n'a pas eu d'accident ni d'accrochage, pourtant on lui prélève 850 euros sur son compte bancaire. Que se passe-t-il ? On a eu le siège de Julien, et j'ai Madame Bourbigou, Catherine, qui est la direction de la communication, qui souhaite vous parler. Ah ben très bien, bonjour Madame. Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes en direct sur la radio RTL. Donc, je crois qu'on vous a bien résumé le cas. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe là, puisqu'il n'y avait personne pour accueillir le retour de voiture. Donc, comment voulez-vous prouver qu'elle était en bon état ? Que malgré tout, le client a eu la présence d'esprit de faire une vidéo. Que malgré cette vidéo, il n'apparaît pas de coup. On lui a dit par la suite qu'il y avait deux petits coups. Il demande les photos, on ne lui envoie pas. Pour se faire rembourser avec sa propre carte bancaire, sans même que ce soit vous qui le remboursiez, il lui faut une facture, on ne lui envoie pas, on lui dit simplement, il faut payer, donc il crée à l'injustice logiquement. Écoutez, on vient effectivement de me résumer le cas je n'ai aucun élément, hein, D'accord, prenez le temps, il n'y a aucun souci. Bon, voilà, on a essayé de... Oui. ce que je voulais simplement vous dire, c'est que effectivement, a priori, vous avez eu un certain nombre de difficultés depuis ce matin. Trois petits raccrochages au nez, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon métier aussi. Ça fait partie. Oui, non, mais ça, en effet, c'est absolument pas admissible. Donc, il faut me laisser quand même un petit peu allez-y, de temps. Allez-y, madame. Nous sommes là au siège à Paris. On n'est pas un jour près. Il n'y a aucun souci. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur, madame, et je suis ravi de voir que chez Rent-A-Car, il y a quelqu'un qui s'occupe de la satisfaction du client. Donc, prenez le temps. On va vous expliquer tout ça hors antenne et vous revenez quand vous voulez, demain après-demain, pour nous expliquer tout ça, d'accord ? Il faut absolument qu'on puisse réunir tous les éléments, je puisse m'entretenir avec le franchisé et également sur effectivement la manière dont la communication n'est pas passée. Franchement, les raccrochages, je m'en moque. Je n'ai aucun ego là-dessus. Ce qui compte, c'est l'auditeur, vous, et qu'on puisse avancer. Après, le reste, ne les engueulez pas pour ça. Ils sont surpris, je les appelle. Ça, on peut le comprendre. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'auditeur, lui, sans passer par la radio, depuis maintenant des semaines, attend qu'on lui donne des preuves qu'il a vraiment abîmé cette voiture. Et le pauvre, il n'y avait personne. On lui dit, laissez la voiture là. Donc, je vais pas refaire l'histoire, je vous laisse avancer madame et vous êtes la bienvenue sur l'antenne d'RTL, je vous repasse Bernard. Merci beaucoup en tout cas. Comptez sur nous en tout cas. Merci madame. Oui, allez, c'est à vous. Putain, j'ai eu peur Carole, j'ai failli vous dire vous n'avez pas passé aujourd'hui encore. 10 jours qu'elle attend. Carole, c'est à vous, expliquez le problème. S'il y en a un qui coupe la parole. Alors. Écoutez bien, Carole, je le tue. Allez-y. Alors, j'ai fait l'acquisition donc d'une trottinette électrique le 17 décembre 2017 sur un site internet. C'est un site qui déjà valorisait les produits en disant que c'était des livraisons gratuites et expédiées dans la journée. Mon premier problème a commencé, c'est que le 25 décembre, je n'ai pas eu la patinette pour mon fils, pas de cadeau. Donc un retard. Un retard, alors que c'était marqué livraison. En plus, c'est une société qui est située en France. Donc en plus, on se dit ça va Carole, être rapidement. Pour être sûr de régler votre problème, on va aller droit à l'essentiel. Un, il ne vous livre pas la trottinette cadeau de Noël dans les délais. Deux, le petit l'utilise et que se passe-t-il? Et donc, il revient en pleurant parce que la batterie a pris feu. D'accord. Donc, tout a fondu, l'écosse. Vous les appelez. Il faut me la changer. Il me faut des pièces détachées. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, pas de réponse pendant 2-3 mois. Ensuite, je réinsiste. J'envoie une lettre en réception. Et donc, on me dit d'envoyer des photos. J'envoie des photos. Et depuis, silence radio. Et ça fait donc un an. On parle de Noël 2017. C'est inadmissible. L'appel, je vous le garantis, sera lancé juste après la pause que nous allons marquer. Et nous sommes en train d'aller sur le site. Effectivement, il y a beaucoup de cadeaux. Donc, ils ont intérêt à nous montrer qu'ils ont un bon service après-vente. Parce que ça donne pas forcément envie de commander chez des gens qui, un an après, ne soient pas capables de réparer. Vous êtes sur RTL. Opération trottinette en feu sur RTL. Leclerc. Chérie, vendredi chez Leclerc et vendredi seulement 40% de tickets Leclerc sur les télés LG et Samsung. 40% sur des télés LG et Samsung. Deux très grandes marques de télé. C'est ça, le Black Friday chez Leclerc. C'est le Black Friday chez Leclerc. Et vendredi 23 novembre, vous bénéficiez de 40% en tickets Leclerc sur une sélection de téléviseurs LG et Samsung. Offre non cumulable avec d'autres produits de la même gamme bénéficiant d'une autre réduction immédiate ou d'un ticket Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.blackfriday.leclerc. Voilà, joyeux Black Friday. Pendant ce temps chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 €, si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors, fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la Voie lactée, ses mystères, ses constellations, de pralinés et son chocolat. Oh, son chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes Voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 grammes, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. La fille des Templiers, c'est le grand roman de Mireille Calmel. Vous avez lu le tome 1 ? Bonne nouvelle ! Le tome 2 est aujourd'hui en librairie. Vous ne l'avez pas lu ? Deuxième bonne nouvelle ! Les deux tomes vous attendent pour vivre un incroyable roman d'aventure. La fille des Templiers de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rue-du-commerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google ? Tout Carrefour et rue-du-commerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Vos magasins Carrefour sont ouverts dimanche. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez Charlotte, nous allons partir maintenant en trottinette. Carole, le cas de Carole, son fils a une trottinette pour Noël, mais dès la première utilisation, la trottinette prend feu. Carole attend depuis un an la livraison de pièces neuves. Et juste avant de lancer l'appel, Céline, quelques explications, parce que la pauvre, elle aussi, elle a commandé cette trottinette sur ce site avant Noël, bah oui. Parce qu'il y avait plein de belles choses. Mais oui, exactement, j'attends toujours également ma trottinette. Mais justement, je voulais vous dire que si vous allez sur ce site, malheureusement, vous ne pourrez plus en commander des trottinettes, parce que maintenant, ils font plus que des trampolines. Ils ont arrêté de fabriquer ça, en tout cas. Également, sur les sites, vous pouvez trouver que vous serez satisfait ou remboursé en cas de souci. Et le support téléphonique est disponible H24, mais surtout, 7 jours sur 7. C'est pas ça, c'est qu'il y a un truc qui clignote si vous y allez. Livraison garantie avant Noël. Vous l'aviez vous aussi, ça, je suppose. Je m'adresse à notre auditeur. Ben voilà. Ah oui, oui, c'était, tout était bien inscrit. Hein. C'est après que ça se gâte. Ça va sonner. Dans quelques instants, il y aura peut-être un autre témoignage sur l'histoire de la location de voiture qui peut être très intéressant. Soyez là avant 11h. Là, nous appelons ce site. C'est quand même pas possible qu'au bout d'un an. Déjà, il ne l'a pas eu pour Noël, le gamin. Et quand il l'a, il prend feu le premier jour. Et rien, pas une pièce détachée, pas de service après-vente. Alors, j'espère qu'ils vont nous donner, c'est pour ça que nous les appelons, une explication et nous dire que nous nous trompons. C'est pour ça que nous appelons. Bien sûr, tout de suite. Alors, déjà, première, j'ai envie de dire mauvaise nouvelle, c'est que ce fameux site, c'est un portable. C'est-à-dire que, encore une fois, derrière une page informatique, un enfant de 14 ans un peu doué peut vous faire croire que c'est le plus beau des sites. Vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, attention, les prix, ok, mais ce sont parfois, et je ne dis pas que c'est le cas de ces gens-là, des apprentis commerçants qui montent leur petit site, qui font leur petit truc, et ben voyez, c'est un numéro de portable, donc je ne sais même pas s'il y a un entrepôt, s'il y a quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ? Alain Hazard, je suis en train d'animer, il est en train de me tirer mes feuilles et compagnie alors que je n'ai rien demandé. Vous voulez avec une certaine habilité essayer de récupérer votre conduite ? L'habilité, je vous dis tout de suite, elle n'y était pas, parce qu'en tirant le papier, vous avez arraché le micro, le clavier, j'ai ma chemise qui est sortie de mon pantalon, j'ai 3 boutons verts, j'ai perdu une chaussure, et maintenant je ne sais plus où sont mes chaussettes. Donc attention quand vous tirez les feuilles. Bon, donc c'est un simple portable, ça m'inquiète un peu. Je vais être obligé de sortir le porte-voix. Céline, vous avez un autre numéro ? On a un deuxième numéro, en fait, qui correspondrait au domicile de la personne qui gère cette société. Apparemment, les activités se feraient depuis ce domicile. Vraiment, renseignez-vous quand vous allez sur Internet. Vive Internet, c'est super. Black Friday, on commande dans le lit, tranquille. Mais faites attention. Je vous assure que si vous commandez une trottinette, que ce soit, donnez-moi plusieurs marques, j'ai Decathlon, mais on doit pouvoir en commander Carrefour, Auchan, où vous voulez. Il n'y aura pas de souci de service après-vente. Si ça bloque, ça se débloque très vite. Là, on ne sait pas chez qui on va. C'est des gens, souvent, ils font ça dans leur chambre. Hein. On l'a vu. Nous, une fois, quelqu'un a été acheté, rappelez-vous, c'était, je crois, une longue vue là, pour regarder les étoiles. On s'est retrouvé dans une chambre d'étudiant quand on a été faire un duplex avec Hervé Pouchol au 7e étage. Et il avait là, dans sa chambre d'étudiant, 3 petits objets qui se battaient en duel, qu'il vendait sur Internet. Mais quand vous voyez le site, vous avez l'impression que c'est le spécialiste de la longue vue. Où en est-on ? Donc ça ne répond pas. Je lance mon porte-voix et je dis très solennellement à madame Martine Danebé, D-A-2-N-E-B-E-Y. Martine Danebé, vous êtes apparemment la gérante de Homme Loisir, homeloisir.fr, HOMELOISIRS.fr, qui se trouverait sentier de Jérusalem à Neuville-les-Dieppe. Madame, cela fait un an, d'après l'auditrice, qu'elle a commandé une trottinette qui n'est pas arrivée pour Noël. Or, vous mettez livraison garantie avant Noël sur votre site. Deux, elle a pris feu tout de suite. Aucun service après-vente. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets et nous disons attention, si vous allez commander sur Homme Loisir, nous ne pouvons pas, nous, RTL, vous garantir que vous allez avoir votre cadeau et surtout que vous allez avoir un service après-vente puisque là, il ne se passe rien pour elle. Donc, mais s'il y a encore des trottinettes électriques, je viens de tomber sur le site, là, j'en vois une. Eh bien, écoutez, moi, j'ai essayé il y a quelques jours, il n'y avait plus de trottinettes électriques. Ah, ben, ils en ont rajouté une. Ah, ben, ça une fait très, très belle deux jours que ça a changé. Alors. Voilà, il y a même des skates électriques, mais faites très attention. Donc, tant que pour l'instant, Martine Danebé ou Loisir ne nous a pas rassurés. Soyez quand même prudents. Carole, on attend un tout petit peu, sinon oui. C'est... comment ça, on non continue. Eh oh. Non, non, mais... On va pas s'arrêter là. Mais qui voulez-vous bon appeler chemin. Ah, le constructeur. Je voudrais bien ne pas me faire insulter. Je viens faire mon métier, je paie des impôts avec plaisir. J'aide les gens, j'ai encore fait traverser une personne âgée hier. J'ai ramassé un caca de chien qui n'était pas le mien. Non, je tiens à le dire. Donc, s'il vous plaît. Oh, ça va pas, quoi. Donc, ne me parlez pas mal. Donc, vous voulez qu'on appelle qui? C'est incroyable. Je voudrais qu'on appelle le fabricant, parce qu'en fait, cette trottinette, peut-être qu'elle roulera très bien si la batterie est changée. Tout simplement. Alors la batterie elle est expressément exclue de la garantie parce que c'est une pièce d'usure, mais elle s'use pas, elle se met pas, elle flambe pas au bout de la troisième utilisation. Donc très le fabricant. Bien. Vous avez entièrement raison, j'accepte donc du coup votre critique. Je vous appelons. Laisse à vos crottes de chien après. Mais non, mais écoutez, oh, c'est dégueulasse. Franchement, j'ai un chien, j'adore les animaux. Personne d'autre n'aime autant les animaux que moi, mais je vous avoue que je suis un peu scandalisé quand je vois les trottoirs parisiens. J'en avais un ce matin, moi j'ai promené le mien, j'ai une laisse, à la laisse j'ai un petit panier qui est accroché là, avec les petits sacs. Non mais il y en a un devant moi, voilà, il en avait deux, les deux ont laissé un paquet là sur le trottoir, ouais. Et il est parti comme si de rien n'était, c'est dégueulasse. Et je comprends que les gens en aient marre des chiens à cause de ces gens qui ne ramassent pas. On ramasse et puis c'est tout. Alors, où en est-on du côté du fabricant? Alors le fabricant est fermé apparemment actuellement, on pourra les joindre cet après-midi ou alors par mail. Et je voulais quand même vous dire que lors de la préparation du dossier, j'ai trouvé un autre numéro qui se en correspondance avec cette société, c'est celui de la belle-fille de la gérante. Vous faites ça en antenne, s'il vous plaît, Céline. Vous donnez ça à Bernard ou à Hervé, vous me trouvez un interlocuteur. Sinon, Carole, ne vous inquiétez pas, on trouvera de toute façon une solution pour vous. Et s'il le faut, c'est demandezjustice.com qui va assigner cette boîte. Mais là, on attend des nouvelles de Homme Loisir, Martine Danebé. Si vous la connaissez, demandez-lui de très vite intervenir pour cette trottinette. Dans une seconde, peut-être un témoignage, Hervé, sur quel dossier? Écoutez, nous allons revenir sur le dossier de la location de voiture. Nous avons reçu, grâce à JB, un témoignage très intéressant. Eh bien, nous allons le prendre dans quelques instants. Mais en attendant, nous allons faire une petite balade avec Yves Montand pour parler de Carole. Quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. À trottinette. C'est vrai, parfois, elle prenait feu, on se cramait un peu le... Allez, attention. Dans une seconde sur RTL, la suite. RTL Monoprix. We wish you a Merry Black Friday. We wish you a Merry Black Friday. Et tout plein de promos. Chez Monoprix, le Black Friday, c'est Noël avant l'heure. Profitez de promos exceptionnels. 30% de réduction immédiate sur toute la mode, toute la déco et sur une sélection de maquillage jusqu'au 25 novembre seulement. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride. Et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est Black Friday chez Lidl. Black Friday. Ah oui, et vous allez encore broyer du noir. Hein. En ce moment, les 3 bouteilles de champagne brut Bissinger Premium cuvée AOC dont une offerte sont à 49,98€. 16,66€ la bouteille du Bissinger Brut Premium cuvée AOC. Ah mais oui, 2 bouteilles de champagne plus une offerte. Là, ils poussent le bouchon trop loin, non? Ah oui. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur lidl.fr. 22,21€ le litre. 24,99€ la bouteille vendue seule, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors ? Je vois, 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça ? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite ? Je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon ? Combien ? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal ? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim, vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. Moi, Agatha Raisin, vous me connaissez. Je suis capable de tout. Ma dernière folie, je suis tombée folle amoureuse du prêtre du village. Est-il lui aussi tombé amoureux de moi ? Il n'en a pas eu le temps, le pauvre. On vient de le retrouver sauvagement assassiné dans son presbytère. Alors, la super détective qui sommeille en moi va venger la femme amoureuse. Car je suis bien décidée à retrouver celui, ou beaucoup plus certainement celle, qui a volé l'amour de ma vie. Chantage au presbytère. Du pur Agatha Raisin, tout simplement divin. Un livre Albin Michel. Pendant les 7 jours à prix impressionnant, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, l'Overboard WeMove 6,5 pouces est à 89,90€ au lieu de 149,90€. Et aujourd'hui et aujourd'hui seulement, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 70% en plus avec la carte bancaire Casino, soit une économie cumulée de 82%. Oui, 82% d'économie sur l'Overboard WeMove. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, il y a une alerte, je crois, sur le dossier de la trottinette, Céline, qui n'a pas été livrée dans les temps. Oui, tout à fait. Apparemment, Hervé Pouchol est en ligne avec la gérante de la société. Super, vous pouvez me la passer, Hervé ? Vous pensez que c'est jouable ? Il met le... Alors, il s'agit d'un monsieur qui est en ligne. Bonjour, qui monsieur. Qui travaille donc avec cette dame, mais... D'accord. Visible. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Moi, je vous dis bonjour. Pardon ? Ah, il a raccroché. Ah. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai entendu Balibalou. Oui. Balibalou, peut-être. Je sais pas. Alors. Écoutez, c'est un numéro de téléphone qui correspond à la société Home Loisirs. La seule chose que j'ai pu comprendre, c'est que la société était fermée. D'après ce monsieur. Bah alors, le site n'est pas fermé, lui. Ouais. Hein. Il a quand même pris les références de notre amie Carole. Il m'a promis de la contacter, qu'il ne voulait pas passer par l'intermédiaire de la radio pour régler ce problème, et qu'il allait la contacter directement. Alors, voilà, on attend cet après-midi, Carole, que ce monsieur vous rappelle. S'il ne vous a pas rappelé, demain matin, nous revenons sur ce dossier, c'est promis, avec Martine Danebé. Nous continuons à la contacter pour qu'elle puisse, bien sûr, nous aider. Homeloisirs.fr, attention, ce site, d'après ce monsieur, je ne sais pas s'il marche ou pas, ce site en tout cas n'a pas livré dans les temps les cadeaux pour Carole, donc soyez très très prudents avec homeloisirs.fr. Peut-être avez-vous vous-même passé des commandes avec eux, c'est le moment de nous le dire tout de suite au 3210, c'est le moment de nous le dire également sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je vous ai promis tout à l'heure un témoignage, JB tout à l'heure sur Facebook, quelqu'un est arrivé, est-ce qu'on a cette personne en ligne ? On ne l'a pas pour l'instant, mais une personne semblait dire qu'effectivement dans le système de location de voitures, on pouvait avoir des primes si on trouvait des coûts sur la voiture qui n'a pas été vue par le client, c'est ça ? Oui, disons que les agences de location travaillent avec des carrossiers et bon, il y a des prix qui sont assez dérisoires parfois et on gonfle les factures pour faire payer plus cher le client ensuite. Ah. Il faut vraiment le vérifier. Nous allons essayer d'avoir cette personne, le temps d'avoir écouté ce petit chef-d'œuvre de Serge Gainsbourg chanté par Serge Gainsbourg lui-même, le Elisa. Sur RTL, nous vous aidons chaque matin entre 9h30 et 11h. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, tes 20 ans et 40. Si tu crois que caresse bien tes ongles et tes doigts délicats. Dans la jungle de mes cheveux, Lisa. Serge Gainsbourg, Elisa, il ne pouvait pas appeler le... Ah, nous avons quelqu'un en ligne, apparemment, ça y est. Nous avons cette alerte, nous aurions... Hervé, de qui s'agit-il ? Eh bien, écoutez, il s'agit de Pascal, préparateur de véhicules, qui a travaillé pour de grandes marques et qui travaille encore pour une grande marque de location de voitures. Bonjour, monsieur, soyez le bienvenu. Je me dois de vous rappeler que nous sommes en direct sur la radio RTL, donc je n'ai pas pu, comme vous venez d'appeler spontanément, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, donc attention quand même, pas de diffamation, ne dites la vérité que la vérité. Je ne vous demanderai pas de lever la main et de dire je le jure. Je vous fais confiance. Alors, vous, vous êtes préparateur, donc vous nettoyez les voitures, vous faites en sorte qu'elles soient en parfait état quand elles vont sur le parking, et c'est vous aussi qui peut-être constatez s'il y a des coups ou pas. Oui, voilà. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Donc, voilà, comme j'expliquais à Bernard il y a quelques minutes, en fait, j'avais passé un entretien chez un loueur qui était franchisé il y a quelques mois, et le responsable m'a bien signalé que lors de l'entretien, que si mon salaire voulait que soit gonflé, il fallait que je trouve sur le mois beaucoup de dommages. Alors j'essaie de comprendre. Ça veut dire que des dommages qui n'ont pas été vus, donc on est bien d'accord, par celui qui a loué la voiture lorsque on l'a rendue. Voilà. En fait, vous faites le tour du véhicule lors que vous récupérez les clés du client. Vous faites le tour. Vous trouvez par exemple une jambe griffée. Vous faites, vous remontez à votre supérieur et votre supérieur fait les papiers, puis voilà. Donc vous avez une prime sur le dommage que vous avez trouvé. Sur ce qui va être payé par le client. Voilà. D'accord. Vous avez condition, compris, oui, à condition qu'il n'ait pas été indiqué dans le moment de la prise du véhicule. Oui, ouais, évidemment. Okay. Mais évidemment. Ça, vous, ok, d'accord. C'est, bon. Ben, c'est quand même une organisation qui moi me navre. Bon. Et enfin bon, qui est suspecte. Ouais, il avait un conseil très très intéressant. Alors allez-y pour le conseil rapidement. Alors moi, ce que je conseille aux clients, c'est que surtout quand vous prenez les clés du véhicule, ça prend 5-10 minutes, vous perdez peut-être 5-10 minutes, mais c'est le principal, c'est que vous faites le tour avec une personne de l'agence, vous faites bien le tour, vous vérifiez tout, que ce soit les feux, les pare-brises, les rétroviseurs, les jambes, vous regardez tout. Mais oui. Vous faites noter tout ce que vous avez vu sur le contrat ou sur les certificats. Ça m'est arrivé. Il n'y a pas de problème. Sur, à l'aéroport de Bordeaux, de nuit, j'ai pris la voiture, j'ai fait un petit tour et je ne vois rien. Et heureusement, quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer avec la torche du portable. Exactement. Je l'ai fait avec la torche du portable et il y avait une belle petite rayure, évidemment, qu'on ne voyait pas nuit qui m'aurait été peut-être facturée. Merci mille fois pour ce témoignage. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. C'est super quand vous pouvez nous appeler comme ça et participer à l'émission pour qu'on avance. Dernier mot, Bernard. La jauge d'essence, Julien. On prend la photo aussi quand on rend le véhicule pour être sûr qu'on vous facture pas le surplein ou le surplus. Je sais pas comment on dit. Bon, écoutez, de notre côté, il a tenu jusqu'à 10h58. On peut pas y en vouloir. C'est la phrase de trop. Vous savez, on parle souvent du verre de trop en boîte. Lui, c'est la verre de trop. La si on peut le réécouter, ça me ferait vraiment plaisir. Le Black Friday, c'est demain. Mais chez Sephora, on n'attend pas. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connect ADCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Auchan, et la vie change. Dès demain, c'est le Black Friday chez Auchan et c'est la journée de Sophie qui change. Imagine des prix bas, Sophie. Ça y est? Eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Loisirs, high-tech, électroménager, prêt-à-porter et même alimentaire. Tu veux que je te pince? Alors fonce! Vivez un Black Friday vraiment exceptionnel. Dès demain et jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan et Auchan.fr cassent les prix sur des centaines de produits. Alors foncez, le Black Friday, ça n'arrive qu'une fois par an. Auchan. Quantité limitée, voire conditions et magasins ouverts dimanche sur Auchan.fr. Black Friday, vendredi noir. Demain, nous revenons sur ces dossiers chauds. Il y en aura aussi de nouveaux et surtout, nous essaierons de comprendre ce qu'a voulu nous dire Bernard Sabat il y a quelques instants. Pour être sûr qu'on ne vous facture pas le surplus. Peut-être que Stéphane...